of a wife, boy. Oh. Yeah. C'est la Y, mec, on est Alt-Check. Reste zen, respirez. C'est la Y, mec, on est Alt-Check. Reste zen, respirez. C'est la Y, mec, on est Alt-Check. Reste zen, respirez. Respect, sans la vibe, hey, qu'on déballe net. Laisse faire, ça dépasse tes batailles. Même sur mixtape ou bien street play. Reste zen, respirez. Respect, phénoménal, ouais. Bouge la tête, laisse faire, ça dépasse tes batailles. White Team, c'est le nom de la clique. Tu réclamais de la bonne sick, direct on rapplique. Check, one, two, vas-y, file le beat. Voilà juste un MC, terrible et arctique. Tu connais la suite, car dès qu'on prend le mic ici, le wack MC profite. On balance les phases et les flows, vas-y, suscimite. Le style efficace en défaut ne connaît pas de limite. Tu m'invites sur MySpace, j'accepte la request. Lâche un com, c'est toi le best. Ah ouais, désolé, t'es pas présent dans mon top 8. À cause de ça, notre amitié de 15 jours se stop net. Y'a les premiers, les derniers, les bons et les mauvais. Oh, tu fais partie des secondes, je te promets. Reste loin de ma cycle, vrai hip hop. Je sais que tu snobs. Je viens de dire que t'es mon pote, mais mentir, c'est pas mon job. C'est la Y, mec, on est Alt-Check. Reste zen, respire et respect. Sans la vibe, hey, qu'on déballe net. Laisse faire, ça dépasse tes batailles. Même sur mixtape ou bien street play. Reste zen, respire et respect. Phénoménal, ouais, bouge la tête. Laisse faire, ça dépasse tes batailles. Loin de vos bises amateurs, loin de vos bifs à la carrière. Je viens quand le beat a l'odeur d'un classique et là je brûle par les pleins de MCs en ont peur et flingue leur chance. Et l'artiste est plein et les cris de douleur s'échappent quand t'entends Artie. Loin de vos pistes de danse, des podiums et des magazines. Je tiens pas qu'on dise que je pense qu'au somme et que je baratine. Je crains pas les vis ni le danger, j'ai mis l'effort dans la team. Je parle pas de bif ou de tort, je réduis l'effort dans la frime. Loin de vos porches et villas, je viens de l'Essonne, je vis là. Loin de vos coachs, j'enfile la norme et tous vos milliards. Loin de mes proches, j'ai plus la main sur le torse, je fuis là. Loin qu'il y ait du temps, je suis la force et vous les ignorez. Loin de vos simulateurs, j'écris ma vie sans fausse note. Trop loin de leur style novateur, je compris dans ce qu'on pense. Stop, trop loin de vos streets où la peur remplit vos disques non-stop. Je veux bien qu'on les dise qu'on adore, mais mentir c'est pas notre job. C'est la Y, mec, on est Alt-Check. Reste zen, respire et respect. Sans la vibe, hey, qu'on déballe net. Laisse faire, ça dépasse tes batailles. Même sur mixtape ou bien street play. Reste zen, respire et respect. Phénoménal, ouais, bouge la tête. Laisse faire, ça dépasse tes batailles. Yeah, yeah, yeah, yeah. VSC.